Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une loi qui marquera le quinquennat de François Hollande et sans doute la France, le mariage pour tous. En avril 2013, notre pays devient le 14e au monde à autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Ce vote historique est le fruit d'une longue marche des couples homosexuels. Avant cette loi, ils pouvaient certes s'aimer, s'unir, mais la loi leur interdisait certains droits. Ils pouvaient être père ou mère, en adoptant notamment, mais ils ne pouvaient pas l'être à deux, ils n'étaient ni mariés, ni parents, ni héritiers. Pendant des mois, le débat autour de cette loi réunit dans un même camp la droite parlementaire et l'extrême droite, les conservateurs et les intégristes, les familles et les représentants de l'Église catholique, contre la loi. Au cours de cette émission, vous entendrez l'écho de ces manifestations, mais nous avons également souhaité raconter ce débat dans son processus législatif, à travers la parole des députés et de ceux qui sont venus témoigner de leur vie lors des commissions. L'enjeu ici n'est pas d'ouvrir de nouveau le débat, mais de raconter la chronique de ce texte, de revenir sur ses hésitations, ses renoncements et ses avancées, bref, la construction d'une loi. Notre invité aujourd'hui, Philippe Faucon, cinéaste, réalisateur d'une série de 3 épisodes sur la condition des homosexuels en France à travers 3 décennies, une série intitulée « Fierté ». Vous entendrez également le reportage de Sophie Hoffman, qui est allée prendre des nouvelles de Vincent et Bruno, les premiers mariés de cette nouvelle ère. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet, coordination Christophe Barrère. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 30 juillet 2012, ministère de la Justice. » Ce jour-là, la nouvelle garde des Sceaux, Christine Taubira, ainsi que sa collègue chargée de la famille, Dominique Bertinotti, ont invité à dîner quelques députés de la majorité. Dans le 31e engagement de son programme, François Hollande annonçait « J'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels ». Une fois élu, il lui faut désormais imaginer un texte législatif, acter un calendrier, juger et jauger les limites de la loi future. Les deux ministres décident donc de prendre le pouls de quelques députés de la majorité. Tour à tour, chacun prend la parole. Il y a là les vieux compagnons de cette marche vers l'égalité, comme Patrick Bloch, l'un des pères du Pax, ou encore Noël Mamère, l'édile qui a osé braver l'interdit, celui qui en 2004 secouait la gauche en mariant pour la première fois 2 hommes. Après ce coup d'éclat, chaque camp s'était interrogé. En 2005, alors que la catholique Espagne légalisait le mariage homosexuel, la motion majoritaire du PS reprenait la revendication du mariage et de l'adoption. En 2007, la candidate Ségolène Royal prévoyait l'égalité des droits. En 2011, une première discussion a lieu à l'Assemblée à la suite d'une proposition de loi déposée par le groupe socialiste. Désormais majoritaire au Parlement, le texte sur le mariage pour tous s'inscrit comme le plus important et le plus symbolique du quinquennat. Mais jusqu'où ira le gouvernement ? Au cours du dîner, la discussion tourne autour de la PMA, la procréation médicale assistée, ouverte aux couples hétérosexuels sous certaines conditions, mais interdite aux femmes célibataires et homosexuelles. Faut-il intégrer sa légalisation au projet de loi sur le mariage ? Mis à part le Portugal, tous les autres pays ayant légalisé le mariage l'ont fait. La plupart des personnes présentes ce soir-là sont favorables à son intégration dans le projet. Seule Noël Mamère émet des réserves. Pas sur le fond, bien sûr. Non, mais il met en garde face au danger. Préparez-vous, vous allez recevoir des petits cercueils, dit-il. Dès l'été, effectivement, l'opposition contre le projet de loi se met en place. Début août, le cardinal André XXIII, président de la Conférence des évêques de France, transmet au clergé une prière hostile dans laquelle il appelle de son souhait que les enfants, je le cite, cessent d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Le 15 août, le jour de l'Assomption, les mots du cardinal sont repris dans toutes les églises de France. Oui, l'Église entre dans l'arène politique. Cardinaux, prêtres et curés qui pourtant ne connaissent rien personnellement à la condition de mari ou de père, leur magistère ne leur permettant pas, font le tour des médias, comme le cardinal Barbarin sur France 3. Dans la première page de la Bible, on dit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'une seule chair. Et on voit qu'il est bon pour un enfant d'avoir un papa et une maman, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a plein dont l'un des parents est mort, est parti, etc. Il y en a des souffrances, j'ai pas tellement envie d'en rajouter. J'ai envie que chacun de ceux qui arrivent dans la société ait pour lui les meilleures chances pour son avenir et pour sa construction. Donc le fait que nous désirions le bonheur de chacun des enfants tel que la Bible nous enseigne, comme c'est la volonté de Dieu et sa création, vous n'allez pas me faire croire que c'est un scoop, vous le savez très bien. Ainsi, l'Église catholique inspire-t-elle les premiers éléments et mots d'ordre des opposants à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe ? La défense de l'institution, le lien entre mariage et procréation, et enfin la protection de l'enfant qui, pour elle, ne peut se construire sans référence masculine ou féminine, le socle oppositionnel est prêt. Au sein de la droite parlementaire, les avis divergent sur la position à adopter. Seul le Parti radical se dit favorable à la loi. Tout au long de l'automne, dans la presse et sur la toile, les deux camps s'opposent lors de débats dans les médias. Quel droit ouvre le mariage ? Faut-il imaginer un autre contrat ? Quel est l'impact pour l'enfant ? Doit-on élargir la procréation médicalement assistée ? Doit-on légaliser la gestation pour autrui ? Faut-il donner raison à la science ou à sa conscience ? La ruine de l'âme, pour certains, n'étant pas très loin. Le 7 novembre 2012, le projet de loi instaurant le mariage pour tous est adopté en Conseil des ministres. Il prévoit l'adoption par les époux des enfants de leurs conjoints, mais aucune mention n'est faite de l'accès à la PMA. 10 jours plus tard, la manif pour tous sort de l'ombre et la bataille commence. La famille sacrée, nous sommes tous les enfants des démons. Il y a énormément de monde, c'est un succès qui était inespéré, ça fait vraiment plaisir. De voir que les gens se réveillent et ne veulent pas laisser passer une loi qui va contre l'humanité. Le mariage, c'est un homme et une femme. Voilà, c'est la base de la société. Nous affirmons que le mariage est l'alliance d'un homme et d'une femme. Honnêtement, voir deux hommes qui élèvent un enfant, moi, ça me choque. On n'est pas du tout là pour manifester contre les personnes homosexuelles, là, qu'on accueille, qu'on aime, voilà, qu'on peut avoir un ami. Mais on est là pour dire que voilà, le mariage est une institution qui est faite pour protéger la transmission de la vie entre un homme et une femme au sein de la famille. On est là pour défendre le fait qu'un enfant a le droit à un père et une mère. L'adoption d'enfants par les couples homosexuels n'est pas opportune pour les enfants, et ni pour la société d'ailleurs. Première manifestation, premier succès, la manif pour tous réussit son baptême. À Paris, Toulouse, Marseille ou Rennes, ils sont plus de 100 000 à battre le pavé. Seuls ou accompagnés de leurs enfants ou petits-enfants, sous des ballons bleus, blancs ou roses, ils s'opposent au mariage gay. Qui sont-ils ? La famille PME, père, mère, enfant, selon Frégide Barjot, qui devient ce jour-là l'un des visages des opposants au mariage. La Manif pour tous rassemble une multitude d'associations diverses et plurielles qui s'unissent derrière une même formule, tous nés d'un homme et d'une femme. Les slogans sont politiquement corrects, les arguments pesés, le spectacle contrôlé. Mais le lendemain, l'ambiance est tout autre. À l'appel des intégristes de Civitas, un autre rassemblement se tient. Le suite laisse place à la soutane, les poussettes aux étendards ornés du cœur vendéen envahissent les rues. Le ton est brutal. C'est le sabre, le goupillon version manif. Les gestes se mêlent à la pensée, notamment face à des militantes féministes qui sont prises à partie. Deux manifestations pour deux visages d'un même mouvement naissant. Que souhaitent-ils ? Ils souhaitent un référendum et un débat public, comme le demandent également les parlementaires de droite. Quelques semaines plus tôt, 127 d'entre eux, sénateurs et députés, co-signent une tribune dans le journal Libération, dans laquelle ils réclament ce référendum sur cet enjeu de civilisation considérable que représente pour eux la question de la filiation, couvre de facto le mariage aux couples homosexuels. Dans la foule des manifestants, de nombreux maires opposés au projet affirment qu'ils utiliseront leur clause de conscience si la loi est votée. Quelques jours plus tard, le président surprend tout le monde en répondant favorablement à cette demande lors du congrès des maires de France. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais, je le dis aussi, vous entendant, Des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Ma conception de la République vaut pour tous les domaines. La loi s'applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience. Un président ne devrait pas dire ça. A-t-il parlé trop vite ? Le lendemain, la garde des Sceaux réaffirme dans un communiqué que la célébration des mariages sera assurée dans chaque commune de France au nom de l'égalité des droits. Et l'État en sera le garant scrupuleux conformément au texte en vigueur. Bien, l'incendie est éteint. Au Parlement, le travail de la commission, animé par le député et rapporteur de la loi Erwan Binet, se poursuit. Fait exceptionnel, et sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, une grande partie des auditions du rapporteur sont publiques. Oui, tout est enregistré, archivé et consultable sur le web. L'enjeu de ces réunions est d'écouter les perceptions et les positions d'experts, de chercheurs, ainsi que de personnes concernées, favorables ou non d'ailleurs à la réforme. Lors de la première audition, ce sont des sociologues qui sont venus raconter l'histoire et les métamorphoses de l'institution du mariage. Une semaine plus tard, des psychanalystes et des pédopsychiatres s'interrogent sur la place de l'état psychique des enfants élevés au sein des familles homoparentales. On y parle de filiation, de famille horizontale, de construction d'identité. L'ouverture du mariage aux couples du même sexe représente certes l'accès à des droits dont seuls les couples mariés pouvaient jouir jusqu'à maintenant, mais elle pose également les bases d'une définition de la situation des familles homoparentales. Depuis des décennies, des couples homosexuels deviennent parents clandestinement grâce à l'adoption par l'un des membres du couple ou avec l'aide de la médecine, notamment par insémination artificielle, comme il est possible de le faire dans un pays voisin comme la Belgique. Alors, le 17 décembre, certains parlementaires français traversent la frontière à la recherche de ces bébés Thalys, du nom du train qui mène à Bruxelles. En Belgique, ils rencontrent des médecins et des psychiatres dans une clinique où un tiers des couples de femmes homosexuelles reçues sont français. Puis ils rencontrent des confrères eurodéputés qu'ils interrogent également. Et là, tous sont surpris par la teneur du débat en France et par la tension que provoque un sujet qui est devenu chez eux banal. Mais l'Hexagone a ses humeurs et ses querelles de clochers. La droite et l'Église refusent de laisser s'échapper ce débat sur la famille. Le gouvernement, lui, hésite, tâtonne. Au sein de la majorité parlementaire, on discute, on débat, et puis finalement on tranche. Le 19 décembre, le groupe socialiste vote le dépôt d'un amendement au texte qui autorise l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples lesbiens. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. Le lendemain, les travaux de la commission se poursuivent. Au micro, ce 20 décembre 2012, des membres de familles homoparentales s'expriment. Ils sont les premiers concernés, les oubliés du droit. Tous décrivent des histoires singulières qui sont le reflet d'une multitude de réalités et de complications. Parmi eux, Louise Fassomonaldi. Moi, j'ai 27 ans et j'ai été élevée par mes deux mamans depuis ma naissance. Alors, comment ça s'est passé ? Mes mamans se connaissent depuis le début des années 80. Elles se sont rencontrées dans le cadre professionnel, elles se sont aimées. Et donc toutes les deux, elles ont décidé d'avoir un enfant. Pour ça, dans les années 80, c'était pas encore... elles n'avaient pas du tout l'idée de la PMA ou quoi que ce soit à l'étranger. Donc elles ont demandé simplement à un couple d'amis à elles si ils pouvaient être le géniteur. J'ai trois mamans et un papa. Jour le jour, j'ai vécu avec mes mamans. Quand c'était Noël, les vacances... Les anniversaires, on faisait ça tous ensemble, mais l'éducation au jour le jour, ce sont mes mamans qui me l'ont donnée. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de bizarre ni de particulier. Désormais majeur, le temps des craintes a disparu pour Louise comme pour ses parents. Mais pour d'autres, les tracasseries se poursuivent. Au sein des familles homoparentales ayant fait le choix de l'adoption, un seul des deux parents est le père ou la mère aux yeux de la société. Mais l'autre est invisible dans l'environnement social, scolaire ou même intime. En cas d'accident, par exemple, d'urgence médicale, l'autre ne peut autoriser une opération. Dans ces familles, le décès d'un seul parent peut faire de l'enfant un orphelin. Alors, chacun a ses méthodes, ses garde-fous pour prouver ce lien qui valide sa vie de père ou de mère. Il y a les boîtes de souvenirs remplies de photos, de cartes postales, de tickets restaurants, de cadeaux et de dessins. Alors il faut bricoler avec le droit, imaginer des stratagèmes. Beaucoup d'entre eux donnent par exemple comme deuxième prénom à l'enfant le patronyme du conjoint non reconnu par la loi. Mais est-ce suffisant ? Lors de cette audition, Cyril Isabello, qui a adopté deux enfants avec son compagnon, répond. Il est faux de prétendre que les outils à notre disposition permettent d'assurer la sécurité à laquelle est en droit de prétendre toute famille et tout enfant. Car aucun de ces outils ne crée de filiation entre l'enfant et son second parent. Si je m'appuie sur ma propre expérience, et en l'absence donc de filiation entre Philippe et nos enfants, si je décède, nos enfants retourneraient à l'orphelinat. Et Philippe, même si je l'ai désigné comme tuteur, cela ne garantit en rien qu'il aura la garde de nos enfants. Par ailleurs, la délégation d'autorité parentale tombe avec le décès du délégant, donc moi. Donc il ne pourrait même pas s'appuyer sur ce jugement-là pour continuer à élever nos enfants. Maintenant, on peut envisager aussi une alternative moins dramatique, hein, où je ne meurs pas, mais où nous nous séparons. Donc je suis le délégant, je peux mettre fin unilatéralement à tout moment à la délégation d'autorité parentale. Et donc on voit bien que cette situation-là fait que le cadre est insuffisant pour protéger notamment les enfants, mais également mon compagnon, des aléas de la vie, ou alors d'une séparation conflictuelle qui pourrait entraîner le parent légal à décider de rompre tous les liens que les enfants ont construits avec leur second parent. Après 7 semaines de discussion, l'audition de plus de 120 personnes, dont 20 heures ont été retransmises en direct sur LCP, et la réception de 19 associations, les travaux de la commission se terminent. Le débat a atteint toutes les sphères familiales et sociales. À la télé, dans la presse, lors de réunions publiques, chacun a présenté sa pensée, mêlant la philosophie, l'intimité, la foi et le droit. Désormais, ce sont aux députés de trancher. Jusqu'où ira la loi dans cette quête d'égalité? La PMA sera-t-elle autorisée aux couples de femmes? Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce 29 janvier 2013, les débats pour l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe s'ouvrent. Au cours des dernières semaines, le gouvernement et les députés ont tranché les dernières questions qui restaient en suspens, la plus sensible étant évidemment celle qui concerne la PMA. Le 9 janvier, après avoir rencontré le représentant en charge du projet de loi et le représentant du groupe socialiste, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonce via Twitter « La PMA mérite un débat en tant que telle, c'est pourquoi elle figurera dans le projet de loi famille, et donc pas dans celle du mariage pour tous ». En un tweet, donc en quelques mots lapidaires, le Premier ministre enterre l'amendement imaginé par le groupe socialiste et du coup, il enterre l'espoir de milliers de couples. Les opposants en profitent. Le 13 janvier, lors d'une nouvelle manifestation, ils sont, selon les organisateurs, près d'un million dans la rue. Au même moment, à l'Assemblée, ce sont les amendements qu'on compte. La droite en a déposé plus de 5000. Lors de son examen en commission des lois, le texte a été remanié. Il compte désormais 14 articles. Ce 29 janvier, sans note, le regard droit, Christiane Taubira présente la loi. Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais. Il ne s'agit pas d'une union civile soi-disant aménagée. Il ne s'agit pas d'une ruse. Il ne s'agit pas d'une entourloupe. Il s'agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu'institution produisant des règles d'ordre public. Oui, c'est bien le mariage avec toute sa charge symbolique. Et dans les mêmes conditions, avec toutes ces règles d'ordre public, que le gouvernement ouvre aux couples de même sexe. À droite, c'est à Henri Guénot, ancienne plume présidentielle, que revient la charge de défendre la motion de rejet du texte. Pourquoi ne pas admettre que la loi ne peut pas tout régler, quand c'est dans l'intimité de la conscience de chacun que se trouve la réponse ? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a toujours dans une société des zones grises où les sentiments et les raisons sont si enchevêtrés que la loi, en cherchant à les trancher, fait plus de mal que de bien ? En parlant du mariage, le gouvernement dit « amour ». Mais qui, sur ces bancs, conteste à deux êtres qui s'aiment le droit de s'aimer ? Personne. Le gouvernement dit « liberté ». Mais qui, sur ces bancs, conteste à quiconque la liberté de vivre selon son cœur? Le gouvernement dit « égalité des droits ». Mais le mariage n'est pas un droit, c'est une institution. Le gouvernement dit « progrès ». Nous lui opposons la sagesse multimillénaire que toutes les sociétés humaines ont tirée de l'expérience de la vie. Le lendemain, une première prise d'armes s'organise autour de la GPA. La GPA, le chiffon rouge agité par les opposants au mariage pour tous. L'un des chiffons rouges, mais peut-être le principal. Interdite en France, n'ayant aucun rapport avec le mariage ouvert aux homosexuels, ni les parlementaires, ni le gouvernement n'ont imaginé son intégration dans le projet de loi. Pourtant, la rumeur est tenace. Et le 30 janvier, les parlementaires de droite pointent une circulaire adressée par la garde des Sceaux aux tribunaux pour leur demander de ne plus refuser la délivrance des certificats de nationalité française pour des enfants nés à l'étranger au seul motif qu'ils concernent des enfants issus d'une gestation pour autrui. Interrogée sur cette circulaire, la ministre indique qu'il ne s'agit en aucun cas d'une légalisation de la GPA. Non, cette circulaire rappelle juste la loi, rien de plus. Elle ne concerne qu'une quarantaine d'enfants sans situation administrative alors qu'ils ont un parent français, vivent et grandissent en France. Interrogée sur le sujet, la ministre tient tête et réaffirme l'enjeu de cette loi. Je dis, mais puisque le mariage des homosexuels n'enlève strictement rien aux hétérosexuels, posons les mots sur des sentiments et des comportements. Et je maintiens que je pose des mots sur des sentiments et des comportements. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. Nous nous faisons le devoir de réfréner nos élans, allez, de réfréner nos sympathies, de réfréner nos aversions, parce que nous statuons en droit. Et il s'agit ici de droits et de liberté. Le 2 février, l'Assemblée nationale vote l'article 1er qui prévoit que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Il en reste désormais 13 à voter. Et la droite poursuit sa croisade. Au sein de chaque camp, il y a les bosseurs, ceux qui connaissent les amendements et le projet par cœur. Il y a les philosophes, ceux qui en appellent aux penseurs, à la religion, à l'histoire. Il y a ceux qui sont de passage, qui jouent la montre, les bons mots, l'outrance ou l'hypocrisie. Retransmises en direct ou via les réseaux sociaux, ces journées de débat passionnent les Français qui s'attardent désormais devant la télé pour voir les députés argumenter, ferrailler. Durant ces jours de controverses, dans ce petit théâtre où chacun tient son rôle, Christiane Taubira emporte une partie des louanges. Oui, on salue son éloquence, on sourit devant ses excès, puis on applaudit quand elle cite de la poésie. Voilà bien longtemps qu'on n'avait plus entendu dans cette enceinte les vers et les pensées de René Char, Lévinas, Aimé Césaire. Grâce à leurs mots, l'égalité, l'accomplissement, la liberté ou même l'amour se ferait un chemin dans les travées de l'hémicycle, puis s'échappe de l'Assemblée. Ainsi, la loi devient celle de tous, portée par tous. Le 12 février, après 110 heures de débat, le texte est voté en première lecture. Et pourtant, la bataille se poursuit. Le dimanche 24 mars, une nouvelle manifestation rassemble près d'1 400 000 personnes selon les organisateurs, soit 400 000 de plus que lors de la mobilisation de janvier. Dans la foule, les députés de l'opposition retrouvent de la voix et demandent de nouveau un référendum. Jean-François Copé. On a 1 000 chômeurs de plus par jour depuis qu'il est élu président de la République. La délinquance augmente dans des proportions folles et pendant ce temps-là, il nous fait une réforme de la loi sur la famille. Marion Maréchal Le Pen. Aujourd'hui, les Français ont voulu dire qu'ils étaient extrêmement choqués du mépris avec lequel ils avaient été traités par le président. Laurent Wauquiez. Je ne peux pas concevoir que François Hollande continue à traiter par le mépris un mouvement qui est aussi important. C'est pas possible. Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi diviser la France sur la famille alors qu'elle demande qu'une seule chose, c'est d'être rassemblée contre le chômage. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'hétéros. À la fin de ce rassemblement, des altercations violentes éclatent entre forces de l'ordre et manifestants. 5 mois après le premier rassemblement, la tension monte d'un cran. Dans la vie quotidienne aussi, la violence se déploie. Durant ces semaines de mobilisation, sur les réseaux sociaux, sur les forums ou dans des lettres, la parole homophobe se libère. Une parole de rejet suivie parfois de gestes. Tout au long de l'année, en effet, on note une augmentation de 78% des actes à caractère homophobe. Le 6 avril 2013, alors que le texte est présenté au Sénat, Wilfried et Olivier, un jeune couple d'hommes, est agressé en rentrant chez lui. Le corps meurtri par les coups, Wilfried décide de publier une photo de son visage tuméfié en indiquant juste, mais avec quelle force, voici le visage de l'homophobie. La photo devient virale et fait le tour du monde. Inocule-t-elle pour autant le virus de la tolérance? Pas sûr, mais le débat sur l'homophobie est là et ce n'est pas rien. À l'Assemblée aussi, certains perdent leur nerf. Certes, les discussions ont souvent été virulentes, parfois outrancières et outrageantes. Les députés n'en sont jamais venus aux mains, bien sûr. Mais quelle tension! Dans la nuit du 18 au 19 avril, une ballerine brandie par l'UMP met le feu aux poudres. Et les débats s'enveniment, lorsqu'est évoquée l'action des CRS contre les manifestants de la Manif pour tous. Pour le député UMP, cette ballerine qu'il a retrouvée sur l'esplanade des Invalides est le symbole d'une manifestation innocente, d'une jeunesse qui chante, selon ses dires. Sur les bancs de la gauche, certains sourient face à cette droite qui s'émeut de la répression policière maintenant qu'elle est dans l'opposition. Oui, le ton monte. Un huissier s'interpose, il prend un coup. La séance est suspendue, l'incident en restera là. Le 23 avril, 2 jours après un dernier baroud d'honneur des manifestants opposés au projet de loi, l'Assemblée nationale vote. 331 voix pour, 225 contre. 5 députés de droite votent pour, dont Benoît Apparu, Franck Riester et Jean-Louis Borloo. La France devient ainsi le 14e pays dans le monde à ouvrir le mariage aux homosexuels. Au micro, pour la dernière fois lors de l'examen de ce projet de loi, Christiane Taubira prend la parole. Submergée par l'émotion, elle remercie les députés, le gouvernement et ceux qui ont accompagné et façonné cette loi. Mais ces derniers mots sont à destination de ceux qui se sont sentis blessés, victimes des mots et des gestes de certains lors de ces débats. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Depuis ce vote historique, beaucoup d'hommes et de femmes se sont mariés et ont adopté un ou des enfants avec d'autres hommes et d'autres femmes. Une demande a été pourtant oubliée par les députés, celle de la procréation médicalement assistée. Le Premier ministre avait promis de l'intégrer au projet de loi sur la famille. On l'a vu, ça n'a pas été le cas. Depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer sa légalisation. En juin 2014, dans les pages de Libération, 364 femmes annonçaient avoir eu recours à une insémination avec donneur afin de fonder une famille. Nous réclamons l'égalité entre couples homosexuels et hétérosexuels pour l'établissement de la filiation de leurs enfants, proclame-t-elle. En mars 2016, rassemblés autour du professeur René Friedman, père du premier bébé éprouvette, ils sont 130 médecins signés un manifeste pour demander l'assouplissement des lois encadrant la reproduction assistée. Après chaque loi, une autre marche débute, une autre bataille prend forme. La PMA deviendra-t-elle la PMA pour tous? Et si oui, quand? My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mariage pour tous, notre invité Philippe Faucon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous avez obtenu en 2016 un César pour votre film Fatima, bravo. Sacré meilleur film, meilleure adaptation et meilleur espoir féminin. Et aujourd'hui, vous venez de réaliser une série en 3 épisodes pour Arte, intitulée Fierté, qui a obtenu le Grand Prix au Festival de Luchon et qui raconte les combats menés par les homosexuels autour du Pax Elabor, puis du mariage et de l'adoption, jusqu'à la loi Taubira en 2013. 13. Cette série sera diffusée sur Arte le 3 mai et disponible en DVD et VOD, donc à la demande, le 25 avril de cette année, bien sûr. Avant d'aborder le cœur du sujet, Philippe Faucon, de ce qu'est devenu la loi Taubira pour le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels, racontez-nous comment vous avez vécu, vous, cet épisode. Où étiez-vous? Avez-vous été actif? Alors, moi, c'est un épisode que j'ai vécu de façon un peu abasourdie, en effet, parce que j'ai été, comme un certain nombre de gens autour de moi, un peu stupéfait de voir que pendant plusieurs mois, des centaines de milliers de gens et jusqu'à un million à un moment, étaient comme ça de façon continue et acharnée dans la rue pour s'opposer à quelque chose qui était pour moi naturel et évident et qui était le droit d'autres personnes à s'unir et à être parents. Donc, c'est là que vous êtes aperçu de tous les blocages qui existait encore dans la société française. Bah, oui, parce que moi, je suis d'une génération où, en effet, la série concerne trois périodes qui sont trois périodes d'une certaine tension dans la société française autour de des questions liées à l'homosexualité. Mmh. Il y a 1981, pour le premier épisode, l'élection de François Mitterrand. Et l'homosexualité cesse d'être un délit. Voilà. Et puis 1999, tout ce qui se passe à propos du Pax, et 2013, tout ce qui se passe à propos du vote de la loi Taubira. Et donc moi, je suis d'une génération où jamais on aurait imaginé que en 2013, un million de personnes comme ça n'auraient rien d'autre à faire de leur temps et de leur vie que de descendre dans la rue pour s'opposer aux droits d'autres personnes. Fierté, c'est une série qu'on a présentée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines de ça. Et à ce moment-là, l'actuel président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui lui a participé à ces débats et à ces votes, nous a appris que au moment des débats autour de cette loi, il y avait eu 9000 amendements déposés. Et que les débats avaient nécessité 136 heures de discussion au Parlement. Et à titre de comparaison, la loi Veil, à propos de l'interruption volontaire de grossesse, donc qui est débattue et votée après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, donc après 1974, a nécessité une trentaine d'heures de débat et quelques centaines d'amendements. Donc, en effet, ça donne une mesure de la poche de blocage qu'il y a eu à ce moment-là dans l'inconscient collectif de la société française à propos de cette question. On pouvait penser effectivement qu'elle était prête, qu'elle avait évolué. Et on s'est aperçu que, les fantasmes étaient là encore solides. Eh bien que non. Et d'une façon d'autant plus surprenante que aujourd'hui, je pense que personne ne remettrait cette loi en question, y compris les hommes politiques qui, à droite, à ce moment-là, ont marché avec ces manifestants. Donc, il y a eu à ce moment-là, de mon point de vue, mais je pense que d'une certaine façon, ça correspond à une réalité, il y a une espèce d'énorme hystérie, une espèce d'énorme crispation. Hystérie conservatrice. Hystérie réactionnaire et conservatrice. Sur cette question-là, j'ai l'impression est retombée, ne serait plus à même de se reproduire de la même façon. Et donc, en effet, je ne sais pas si à l'avenir ou aujourd'hui des sociologues se pencheront sur cette question, mais il s'est passé quelque chose quand même d'un peu de cet ordre-là. Ce que vous mettez en avant, c'est ce qu'on appelle la volonté politique et la force de loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une volonté politique qui correspond, ou pas d'ailleurs, aux aspirations de la société française, parfois ça correspond pas, et c'est bien. Volonté politique, ça devient dans le domaine du droit, et donc ça donne des droits et des devoirs, la loi est passée, et on peut plus reculer. Donc, est-ce que c'est par ça le grand succès pour les homosexuels, c'est qu'il y ait eu, à un moment donné, de la part d'un gouvernement, une volonté politique? Oui, bien sûr. Et sans doute ce qui s'est passé aussi, c'est que ce moment-là a été utilisé comme prétexte peut-être et entretenu pour faire obstruction au moment des débats ou dans une intention de déstabilisation du pouvoir de l'époque. Donc quelque chose qui existait a été utilisé et amplifié de cette façon, tandis que concernant ce qui s'est passé à propos de la loi Veil, qui répondait à une nécessité, un besoin, mais qui n'allait pas forcément de soi. À l'époque, ça a été initié par un gouvernement de droite, mais ça n'a pas rencontré d'opposition dans l'opposition à gauche, je veux dire. À gauche, parce que souvenez-vous quand même, Simone Veil qui pleure à l'Assemblée. Oui, bien sûr. Il y a eu des tensions et des crispations à la marge, mais il n'y a pas eu dans l'opposition de vraie opposition massive à comme on l'a vu en 2013. En mai 2013, Philippe Faucon, pour la première fois, alors là, vous êtes dans le film, là nous sommes dans la réalité, même si on va reparler évidemment de la série qui colle à la réalité, mais enfin, en mai 2013, pour la première fois au nom de la loi, deux hommes s'unissent par le mariage. Notre reporter Sophie Hoffmann est allée prendre des nouvelles de Vincent et Bruno, ce sont leurs prénoms, les premiers mariés de cette nouvelle ère d'égalité devant le mariage, quelle que soit son identité sexuelle. L is for the way you look at me. O is for the only... Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson ? L'amour. Oui, l'amour. C'est la chanson sur laquelle on est rentré dans l'hôtel de ville. Donc forcément, pour nous, c'est un moment super émouvant. C'était le 29 mai 2013, salle des rencontres de l'hôtel de ville de Montpellier. Vous avez été le premier couple homosexuel à vous dire oui. Quel souvenir gardez-vous de cette journée ? Je pense que moi, j'appréhendais qu'on n'arrive pas à vivre les choses entre nous deux et avec notre famille et nos amis, parce qu'évidemment, il y avait plus de 500 personnes dans la salle, mais il y en avait encore quelques centaines dehors, plus des millions de téléspectateurs, donc ça faisait quand même une certaine tension. Et après, en fait, les moments les plus intenses sont l'entrée dans la salle des rencontres. Le discours d'Hélène Mandrou était hyper émouvant. Et puis d'entendre les gens sur le parvis de l'hôtel de ville qui se manifestaient, c'était incroyable. Et vous, Vincent ? Moi, la première image pour le jour J, c'est le moment où on prend notre petit déjeuner, en fait. On s'est assis à une table, puis d'un coup, on tourne la tête et on s'aperçoit, en regardant au travers la baie vitrée, qu'il y avait déjà tout un tas de caméras et de journalistes qui faisaient des directs. Et là, on s'est regardé, on s'est dit... Mais là, on a pris la mesure de ce qui était en train de se passer, en fait. Vous avez célébré en mai 2016 vos noces de Froment. Qu'est-ce que le mariage a changé dans votre quotidien ? Sur le quotidien en tant que tel, pas grand-chose. La seule chose que ça a changé, en tout cas c'était au moins au début, c'était le fait que quand je parlais de Bruno en le présentant comme mon mari, ça avait une vraie signification. Et ça me touchait particulièrement. Alors, au moment de votre mariage, vous aviez déjà le projet d'adopter un enfant. Qu'est-ce qu'être parent pour vous ? Oh là, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'être parent ? Je ne crois pas qu'il y ait une réponse absolue et universelle à cette question. Je crois que c'est « a-t-on envie de devenir parent ? » Et la réponse est évidemment oui. On a envie d'avoir des enfants, on a envie de les élever, on a envie de les aimer. Bruno et moi, on a toujours souhaité être père ensemble. Et aujourd'hui, vous partagez votre vie entre Montpellier et Montréal parce que Bruno a obtenu un visa de travail temporaire de 2 ans, ce qui ouvre aussi d'autres perspectives sur votre projet familial. Vous envisagez notamment un parcours de GPA, possible au Canada et pas en France. En France, on dit GPA, beaucoup de gens disent GPA sans même savoir ce que c'est, gestation pour autrui. Et je trouve que c'est important de dire gestation pour autrui parce que là-dedans, il y a l'idée de don. Il ne faut pas regarder les choses que d'un seul angle. Pourquoi, vous qui aviez l'idée d'abord d'une adoption, décidez finalement d'aller dans ce parcours de GPA ? L'adoption, pour qui que ce soit, c'est compliqué. Qu'on soit un couple hétéro, qu'on soit un couple homo. En France, la loi a permis de demander un agrément pour avoir un enfant et donc être éligible à l'adoption. Maintenant, je pense qu'il y a tellement peu d'enfants qu'avant que des services sociaux, si on peut appeler ça de cette façon, décident de donner un agrément à un couple d'hommes, il faudra déjà qu'il n'y ait quasiment plus de couples hétéros qui soient en demande d'enfants, malheureusement. Donc, c'est 4 à 6 ans pour un couple hétéro, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour un couple homo. La GPA, c'est le choix du pragmatisme, d'un côté. C'est le choix aussi d'avoir des enfants qui portent notre héritage. Voilà, le fait que ce soit notre sang aussi. Même si on est toujours favorable à adopter. Hein. Enfin, si on pouvait avoir des enfants de notre sang et d'adopter, on ferait les deux. Bah, aujourd'hui, c'est plus facile et ça paraît plus accessible par le biais de la gestation pour autrui. Bah, après, il y a la question financière, soyons pas hypocrites, parce qu'il est entendu qu'une mère porteuse a des besoins. Aux États-Unis, une gestation pour autrui, en moyenne, ça vaut $80,000. Parce que souvent, on nous dit que la GPA, c'est aussi la méthode du caprice. Non, c'est pas la méthode du caprice, parce que quand on est deux hommes, pour avoir un enfant, il faut le temps de pouvoir l'obtenir. Et donc, ça nécessite beaucoup de réflexion, et ce sont des choix mûrement réfléchis, mûrement décidés. C'est un enfant qui est largement attendu. Donc, il faut arrêter aussi de stigmatiser la population homosexuelle. Savoir si les enfants vont être bien, parce qu'ils vont avoir deux papas, deux mamans, etc. Il est juste question d'amour. C'est pas parce qu'il y a une gestation pour autrui que l'enfant va être plus malheureux qu'un autre enfant. Ce qui va le rendre plus malheureux, c'est justement le fait que la société le traite différemment. Alors cette loi Taubira, c'est sûrement ce qui restera du quinquennat de François Hollande. À juste titre, selon vous? C'est une loi qui aura marqué le quinquennat de François Hollande. Mais oui, il a ouvert le mariage pour tous et l'adoption. Mais il y avait aussi d'autres promesses qui touchaient les lesbiennes, gays, bi et personnes trans de notre pays. Et ces autres lois n'ont pas été amenées au bout. Il restera le président de la République du mariage pour tous, mais pas le président de la République friendly que nous aurions souhaité qu'il soit vraiment. Bien, Philippe Faucon, beaucoup de choses ont été dites hein, dans ce reportage, et notamment l'ouverture vers le débat concernant la PMA et la GPA. On va en parler parce que c'est évidemment important. Mais enfin, 5 ans après ce vote, qu'est-ce que ça a changé pour les couples homosexuels concrètement à travers les témoignages que vous avez pu recevoir ou que vous avez pu observer? Est-ce qu'on vient d'entendre là un témoignage? Est-ce que les témoignages que vous avez récoltés vont dans le même sens? Ce qu'on entend dire à propos du mariage pour tous, dans un premier temps, c'est que ce sont tout simplement et tout banalement deux personnes qui s'aiment et voilà, qui ont envie d'unir leur vie. Et donc, il se trouve que ces deux personnes sont de même sexe, sont deux hommes ou deux femmes. Et donc, on voit pas en quoi les fondements de la société française vont vaciller à cause de ça. Mmh. Or, pourtant, c'était le fond de l'hystérie dont on parlait tout à l'heure. Ce sont les fondements de la société qu'on remet en cause. Et 5 ans après la loi, on force est de constater que voilà, la société ne s'est pas écroulée, que les gens s'unissent maintenant comme les autres et que ils peuvent organiser leur vie à partir de ça, au lieu de la cacher, de la dissimuler. En même temps, est-ce que vous êtes posé la question du paradoxe quand même du mariage pour tous, parce que la reconnaissance de l'homosexualité et de son droit à vivre en toute liberté, ça s'appelle du progrès, n'est-ce pas? Mmh. Le mariage, c'est une vieille institution bourgeoise. Mmh. Pas vraiment dans le sens de ce qu'on pourrait appeler le progrès. Est-ce qu'il n'y avait pas comme un paradoxe d'amarrer cette modernité du au mariage, voilà, et à l'institution? Qu'est-ce que vous avez pensé, si c'est le choix et l'aspiration, moi je peux penser que le mariage, c'est une institution bourgeoise et dépassée et qui ne m'intéresse pas, mais si c'est le choix et l'aspiration d'un certain nombre de gens, et en effet, parce que la société est organisée de façon à ce que ça intervient quand même sur des questions comme la succession, en cas de disparition de l'un ou l'autre, etc. Pourquoi pas ? Et après tout, pourquoi est-ce qu'on va établir une norme contraire à la norme que l'on remet en cause ? Bon, les gens ont le droit de se marier si c'est ce qu'ils souhaitent, et puis ont le droit de rejeter le mariage si ça ne les intéresse pas, voilà. Mais là, c'est permis à tout le monde. Alors, on a entendu tout à l'heure l'heure le témoignage de l'un des deux là qui s'est marié, qui a dit bon, évidemment, on est reconnaissant à François Hollande d'avoir fait voter cette loi sur le mariage pour tous. On aurait préféré un président plus friendly. Ça veut dire un président qui aurait aussi fait adopter la PMA et la GPA, notamment la PMA. Là, vous le dites, vous avez dit, je crois, lors d'un dîner au mois de juillet à la chancellerie, l'adoption, le mariage et l'ouverture de la PMA doivent être les trois piliers du texte. Donc il en manque. Il en manque un. Oui, bah, on peut lui dire qu'il n'est pas allé au bout de son texte, voilà, et qu'il y a eu un reniement à un moment, et en discuter, en débattre. Ceci dit, quand on voit l'hystérie qui s'est produite à propos des deux premiers points du texte... On peut penser que les deux autres, ça va être chaud. Voilà, on peut pas lui donner raison d'avoir reculé sur le tout, mais quand même apercevoir que c'était pas une si mince affaire que ça, que de... ça aurait dû l'être, mais de fait, non. Ça n'a pas été une si mince affaire que ça d'avancer là-dessus. Et la GPA pose une autre question, celle de la PMA, c'est la question de la marchandisation des corps. Alors là, oui. qui n'est pas une question homosexuelle, qui est une question sexuelle globale, hein, hétéro et homo. Oui. Bon, ben voilà, c'est un petit peu évoqué dans la série. En effet, ça pose tout un tas de questions de cet ordre-là, éthiques, qui ont provoqué des débats qui là n'étaient pas toujours forcément dans la caricature ou l'hystérie, et ce sont des questions sur qui. Enfin, ce que vous me dites, c'est que concernant l'adoption, il n'y aura pas eu cette hystérie était complètement folle parce que ça n'a pas déstabilisé la société française, hein, le mariage, ok, l'adoption, PMA, mais en revanche, GPA, on est d'accord que, alors il ne s'agit pas de développer une hystérie, mais qu'il y a un vrai débat, pour le coup, qu'il faut prendre le temps. Bien sûr, oui, d'accord. Je crois que... Ah oui, il fallait mettre les choses au point. Alors, on va terminer comme on avait commencé, avec votre série, donc Fierté. Le titre d'abord, parlez-moi du titre. Le titre, alors c'est une série dont je ne suis pas à l'origine. C'est un projet qu'on m'a proposé, qui avait été initié par deux jeunes auteurs. Et le titre, il est très beau justement. Et on l'a gardé parce qu'on le trouvait très beau, très juste, très simple et avec beaucoup de sens à plein de niveaux. Alors, on part du réel pour aller vers la fiction qui revient au réel parce qu'elle colle au réel. On traverse trois décennies avec trois hommes. Donc Charles, en 1981, donc c'est le personnage principal, et donc il symbolise, il montre toute la problématique autour de l'homosexualité à cette époque. Époque dure, hein. Victor, lui, est en 1999, on a déjà fait des progrès. Et puis Diego, lui, est en 2013, au cœur du mariage pour tous. Donc, allons-y pour Charles. En quelques mots, qui est ce Charles? Présentez-nous Charles. Alors, Charles, c'est... dans le premier épisode, un homme d'environ 35 ans, qui est le père d'un jeune garçon, d'un jeune adolescent de 17 ans. C'est un homme qui est très engagé justement dans l'espoir que François Mitterrand soit élu en 81. Et donc c'est quelqu'un qui se croit... ouvert et voilà, et qui dans le film a une parole de progrès et d'ouverture, et qui découvre que son jeune fils a une liaison homosexuelle avec un garçon de son âge. Et il réagit très mal à ça, parce que chez lui justement ça provoque l'évidence que son fils ne va pas avoir la vie que le parcours que lui souhaitait, donc il réagit très mal. Et je parle de lui, de Charles. On va pas faire les trois Charles, parce que dans les années 80, les homosexuels, comme les hétérosexuels, bien sûr, croisent le chemin du sida. Oui. Et c'est plus dur pour les homosexuels, puisqu'au début, on parlait de cancer gay. Vous savez, de cette horreur. Oui, très bien. Ces années sida sont représentées dans le film. Oui. C'est aussi une dimension du récit. Et c'est pour ça que aussi il y a le choix d'un couple d'hommes, parce que les couples homosexuels masculins ont été directement stigmatisés, confrontés à ça, beaucoup plus que les couples de femmes, et stigmatisés pour cette raison. Oui. Dernière question, Philippe Faucon. Est-ce que la représentation de l'acte d'amour homosexuel, homme, est encore tabou à l'écran? quand j'ai entrepris ce projet, voilà, justement, c'est aussi une histoire d'amour entre hommes. Donc, il y avait des moments de représentation de l'acte d'amour entre hommes qui me paraissaient aller de soi et qui, pour moi, étaient des représentations d'actes d'amour, qu'ils soient physiques ou d'un autre ordre. Et je voyais pas en quoi ça pouvait poser problème. Et je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. J'imagine. Au niveau d'une diffusion sur une chaîne de télévision, ouais. Non, c'est pas si simple que ça. Mais la chaîne, les gens qui étaient à l'origine de l'intérêt de la chaîne pour ce projet, l'ont assumé. Mais d'accord. C'était des choses qui ont nécessité des discussions entre nous. Bien. Merci infiniment. Pardon, je vous coupe, mais c'est la fin de l'émission. Merci infiniment, Philippe Faucon. Donc, rendez-vous sur Arte le 3 mai pour voir cette série en 3 épisodes qui s'appelle Fierté et donc disponible en DVD avant le 3 mai, le 25 avril prochain avec Pyramide Vidéo. Voilà, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mariage pour tous. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.